Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Ben, comme à tous les mercredis, on va vous donner le classement à POC sur le site internet classementapoc.com qui sert à déterminer les meilleures équipes en région. Au niveau Bantam, les Rapides de Boumsessi sont au 16e rang. Les Ambassadeurs de Chicoutimi sont au 57e rang. Au niveau Midget, maintenant, on retrouve les Castors de Dolbeau au 15e rang. Les Ambassadeurs de Chicoutimi au 43e rang et le Marcos Pop de Saint-Félicien sont au 62e rang. Et au niveau junior, les Épervilles de Normandie occupent le 13e rang et les Sabres de Robertval le 21e rang. Ligue Seigneur du Lac-aux-Fleuves, on a dévoilé les trois joueurs de la semaine. Donc la première étoile, c'est Cédric Doirion qui a marqué 3 buts et récolté une passe. Marc-Antoine Vaillancourt est la deuxième étoile avec une fiche d'un but 3 passes. Et Guillaume Blouin, la troisième étoile, avec une production de 2 buts et 2 passes. Il y avait également, au cours du week-end, il y avait une compétition de patinage de vitesse sur courte piste qui servait à déterminer un peu qualifier les équipes seniors ceux et celles qui allaient participer à la compétition senior qui aura lieu à Calgary du 8 au 10 de mars. Et pour se qualifier, ben, les jeunes devaient réussir un top 25 chez les garçons et un top 24 chez les filles. Mélina Tremblay de Saint-Félicien a obtenu une 22e position chez les filles. Notons également que Carina Montmigny ne s'est pas classée, elle a terminé en 26e place. Flavie Larocheroy de Roberval, 28e position. Catherine Mailloux de Saint-Félicien, 47e position. Elia Tremblay a terminé en 52e position. Maintenant, on va vous parler du côté on va maintenant vous parler de ce qui s'est passé à Rivière-du-Loup, toujours en patinage de vitesse. C'était la quatrième étape du circuit interrégional de patinage, ça se déroulait à Rivière-du-Loup. Chez les filles, Kiara Paget de Saint-Félicien, dans le groupe 1, a pris le 7e rang. Notons également que Oliane Dufour, toujours dans le même groupe, a terminé au 9e rang. Dans le groupe 2, Marielle Gay de Roberval a terminé au 10e rang. Maintenant, chez les garçons, à noter la 15e position pour Simon Simard. On va parler maintenant de basketball. Il y avait des matchs au cours du week-end. C'était dans les différentes ligues de basketball. D'abord, au niveau féminin division 3, juvénile division 3, notons que Kenogami a défait Charleville 67-35. Toujours en juvénile division 3, c'est ce qui nous intéressait le plus. Normandin a gagné 47-38 sur la polyvalente des 80. Benjamin, masculin division 3, Normandin 38, la polyvalente des 80 de Saint-Félicien 35. Et également, maintenant en juvénile masculin division 3, Normandin a défait la polyvalente des 80, 58-30. Et hier, dans la section entrevue de DanRadioSport.com, on a parlé avec le nouveau président de la traversée internationale du Lac-Saint-Jean, Olivier Lévesque. Olivier Lévesque qui remplace Kim Privé, qui elle va rester à titre de ex-officio. Olivier Lévesque mentionne qu'il a quand même un très très bon comité qui va le supporter. Ben, c'est sûr que c'est des grandes responsabilités qui viennent avec le titre de président. Par contre, avec toute l'équipe qui est rodée derrière moi, le conseil d'administration, le comité organisateur, les employés, mais surtout les bénévoles, je pense qu'on a une équipe qui est très, très, très, très bien rodée, très prête à faire face à la 65e surtout. Donc c'est sûr que je vois ça d'un œil très positif, là. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux là qui pourraient venir. Donc, écoutez la section entrevue de DanRadioSport.com. On a justement parlé avec Olivier Lévesque hier et également vous pouvez écouter une entrevue que j'ai réalisée aussi avec Benoît Huot qui a participé à 5 Jeux paralympiques, a remporté 20 médailles, dont 9 médailles d'or, qui a annoncé sa retraite la semaine dernière. Donc, Benoît Huot va nous parler de sa carrière. Le sport local et régional à DanRadioSport.com. On s'en occupe.